ça pique, ça nous déchire. Quelque part. Plus on se débat, et plus elle s'emporte. On se sent tout petit, à genoux, comme le mort. Qui glissait, roule dans ce gouffre noir.